Chapitre 11. Il l'appela doucement. « Michel, tu étais donc là ?» Elle ne l'entendit pas. Elle paraissait endormie, les yeux ouverts. Il l'appela encore, et elle ne l'entendit pas davantage. Il dut écarter deux bonnes femmes et trois hommes pour s'approcher d'elle. Alors il lui toucha l'épaule. Elle le regarda et ne parut pas le voir. Il lui dit « Laisse-toi, Michel, et viens. » Elle se leva. Fut aussi docile à se lever, qu'elle eût été docile à ne bouger plus jamais ou à mourir. Le frère Siméon l'emmena. Comme elle était orpheline, elle avait son logement chez d'honnêtes bourgeois, qui depuis la veille et dès le premier soupçon d'une catastrophe, quittant le village, couraient à la recherche d'un coin du monde où le monde fût moins calamiteux. Ils auraient voulu qu'elle vînt aussi, mais elle refusait de quitter le village, où elle attendait le soldat du roi et de Jésus-Christ, Jean, large d'épaule et mince du baudrier. Le frère Siméon la conduisit au parloir, où il n'y avait personne. Il la fit asseoir sur une chaise basse. Il essaya de lui parler. Il lui demanda « Es-tu malade en quelque façon ? Dis-le-moi. Nous avons de l'herbe pour les tisanes et des remèdes que prépare un de nos frères. Michel, est-ce que ton âme s'est endormie dans ton corps éveillé ?» Il s'assit auprès de Michel, en face d'elle. Comme il était grand, il dut se pencher pour être à la même hauteur de regard. Il posa l'une de ses mains sur les cheveux de Michel. Ne sachant si elle n'allait point mourir, une prière lui monta aux lèvres. Il la murmura pieusement. Puis, sur les yeux, grands ouverts de Michel, son regard se fixa et tâcha d'éveiller les vagues souvenirs par lesquels prélude le matin la pensée. Ils furent ainsi, vieux moine et jeune fille, un peu de temps. Si deux hommes ont jamais pu se réunir, ce n'est pas à l'invitation plus fervente de l'une d'elles, ni plus attentive et tendre, ni plus discrète. Le frère Siméon avait compris que seul était malade, en Michel, son âme, non point son corps. Et il savait que les yeux sont les portes qui ouvrent le chemin vers l'âme. C'est pour cela qu'il donnait à Michel dolente l'aide seule de ses regards. Du reste, l'âme de Michel lui était inconnue, comme sont inconnues toutes les âmes à une autre, mais plus encore, l'âme d'une jeune fille à un vieux moine. Il comptait que pourtant les âmes, dégagées de ce qu'on appelle intelligence ou esprit, et qui n'est point d'elles, ont des analogies et possiblement une amitié, que les regards mieux que les mots attestent. Bref, il lançait par les chemins des yeux, vers l'âme lointaine et retirée de Michel, ou devant d'elle son âme pure. Michel enfin s'éveilla de sa torpeur. Une idée remua dans ses yeux, qui brillait d'un vif éclat, et elle dit « Oncle Siméon, pour aller au pays d'Aquitaine où est Jean qui se bat contre les Sarrasins, combien faut-il de jours ?»« Beaucoup de jours. »« Plus de 14 jours ?»« Oui. » Elle reprit « Mais si la guerre est finie, et voilà bien le cas de la finir à présent que tout sera fini, » « Sans doute Jean revient-il, et je le rencontrerai sur les routes. »« Il y a beaucoup de routes, Michel, comme un écheveau que tes doigts auraient brouillé par mégarde et où tu as grand-peine à retrouver le fil que tu cherches. »« Les routes de la terre sont pleines d'erreurs. »« Mais si le bon hasard me guide, ou mon ange gardien ?»« Mais si Jean revient d'autre part, et toi tu n'es plus là ?» Il me demande « Où est Michel ?» Je lui réponds « Elle est partie. » Et lui, après avoir couru, quel chagrin. Michel se tut. Et elle était à se consulter. Songeant à ce qu'il avait dit des routes de la terre, le frère Siméon se dit que l'espace et le temps sont de vastes étendues, où il est merveilleux que parfois se rencontrent puis se reconnaissent deux êtres l'un à l'autre destinés. Michel pleura. Quand elle eut pleuré, soudain, comme si elle était au bout de la tristesse et ne savait plus où aller, elle se dressa. Le frère Siméon ne savait que lui dire. Elle dit au frère Siméon, « Nous avons laissé là-bas de pauvres gens qui ont besoin qu'on les seconde. Allons les voir. Ils ont peur de mourir. »« Et toi, Michel, en as-tu peur ?»« Non plus que vous, » répondit-elle, « étant comme vous détaché de la vie. » Le frère Siméon qui l'avait conduite la suivait et se disait, « L'amour est une abnégation récompensée. »